chez moi et ma deuxième. Paris. Le parc résonne volé de Petropolita. Fuck Mbami, D.U. Fiorez et Loïc Sana. Le capital, le parc des princes, je connais les bails. Les grands joueurs, Ronaldinho, Vato et Rai. Ici c'est Paris, attends, scandez le parc. T'es pur parisien comme Sako, bandit les tacs. Chez nous on se convertit à Marseille rarement. Pour ceux qui mouillent le maillot comme Jalais Armand. Pelex, si tu loupes le ballon, intervention Lugano. J'suis une masse salariale comme Homo Sissoko. J'vais laisser ma trace, hein, ils sont mal barrés. T'es qui de bâtard, appelle-moi Pastore. J'suis toujours même fan du game, j'suis le héros. Part de Ménès, enroulé Diamero. Ici c'est Paris, entends-tu le parc scandé. Pénagé dans ta face, appelle-moi Néné. Rien à foutre de ce qui peut se passer demain. Dans les veines, ça sera toujours le Paris Saint-Germain.